LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 4, l'allié versatile. C'est l'histoire d'une amitié indécise. Pour faire la guerre, il faut des alliés, surtout quand elles durent plus de 40 ans. Les alliances se nouent et se rompent au gré d'équations aux variables infinies qui convoquent la logique de confrontation typique entre l'ennemi de l'ami de mon ami et l'ennemi de mon ami qui pourrait se faire, si ce n'est ami, au moins allié temporaire. In Moscow too, a conference, as Molotov, recently appointed deputy to Stalin, goes to Yaroslav Station to welcome a comrade from the Far East. With the Red Victory in China opening the Pacific to Russia, Mao Tse-tung is summoned to the Kremlin to be given his role in the Cold War. Sur une archive des actualités filmées de Pathé, des officiels soviétiques arrivent en rang serré sur un quai de gare. Les civils en chapka, les militaires tout en uniforme et en galons. Il fait froid, nous sommes en hiver, à la fin de l'année 1949. Pour accompagner les chefs, des rangées de soldats au garde-à-vous. C'est un moment très protocolaire. L'Union soviétique accueille pour la première fois Mao Tse-tung, le dirigeant de l'autre partie du monde communiste, la Chine. On se salue avec chaleur, on se sourit fraternellement, mais cette scène marque le début d'une collaboration agitée au fil du temps et de la guerre froide. Donc Mao a fait route depuis Pékin en train. Céline Maranger est politiste, spécialiste de la Russie et de l'Asie communiste. Et là, le train s'approche, entre en gare. Il descend de son wagon et il est accueilli à ce moment-là par deux hauts représentants soviétiques, par Molotov, le fameux Molotov, mais qui est alors en disgrâce. Sa femme, Polina Jemchujina, a été arrêtée quelques mois auparavant et il vient d'être évincé par Vyshinsky. De même, Bulganine, qui était jusqu'à peu ministre de la Défense, et il n'est plus ministre de la Défense. Donc en fait, la délégation soviétique qui vient accueillir Mao à la gare n'est pas particulièrement prestigieuse. Ce ne sont pas ses alter-ego. Il se rend à Moscou pour faire allégeance d'une certaine manière à Staline, mais aussi pour négocier un accord d'assistance mutuelle avec l'Union soviétique. Il attend beaucoup de ce voyage. On sait, d'après les mémoires de son interprète, qu'il s'était préparé dans son wagon à accueillir les plus hauts représentants soviétiques, qu'il avait disposé des mets et qu'il comptait les inviter à entrer dans le wagon pour les recevoir et échanger. Et en fait, quand il arrive à la gare, Staline est absent. Il est reçu le soir même par Staline, assez brièvement, et puis plus rien jusqu'au 21 décembre. Il ne revoit Staline, donc il arrive le 16 décembre 1949, et il ne revoit Staline que 5 jours plus tard, le 21 décembre, à l'occasion des festivités qui sont organisées en l'honneur du 70e anniversaire de Staline au Bolchoï. Pourquoi Staline ne rend pas honneur à cet invité, à Mao ? Je pense que Staline veut marquer sa supériorité. À l'été 1949, Liu Shaoqi, qui est donc un des principaux dirigeants du Parti communiste chinois à l'époque, s'est rendu à Moscou. Et il a demandé à Staline à subordonner son parti au PCUS. Il a également demandé à ce que le PCC, le Parti communiste chinois, intègre le Cominform qui venait d'être créé. Et Staline refuse à la fois toute intégration du PCC dans le Cominform et également toute subordination du PCC au Parti communiste soviétique. En revanche, il l'incite à organiser une union des partis communistes en Asie orientale, en soulignant à quel point la victoire des communistes chinois était importante pour l'avenir de la révolution en Asie. Même si l'on se bat peu au cours de la guerre froide, les nations ennemies sont sur le pied de guerre et organisent leurs alliances militaires et stratégiques. À l'ouest, sous le patronage des États-Unis, il y a l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, tandis qu'à l'Est, il y a le Cominform qui rassemble les républiques socialistes autour de la Russie soviétique. Cette rencontre est primordiale pour l'avenir du communisme en Asie, c'est-à-dire que à cette occasion, il va être décidé d'apporter une aide substantielle, à la fois chinoise et soviétique, aux communistes vietnamiens qui, sous couvert du Viet Minh, font la guerre aux Français pour conserver l'indépendance du Vietnam, qui a été proclamée le 2 septembre 1945 par Ho Chi Minh à Hanoï. Et par ailleurs, elle va avoir une incidence très importante sur la Corée. Les communistes coréens, forts de l'aide soviétique et chinoise, vont décider de lancer des opérations en juin. Ils déclarent la guerre en juin 1950 et ils le font avec l'approbation de Staline. À Washington, le climat de tension créé par l'attaque des Coréens du Nord contre la Corée du Sud ne s'est pas apaisé. Monsieur Dean Acheson, chef du département d'État, Monsieur Johnson, secrétaire à la Défense, et le président Truman suivent heure par heure le déroulement des opérations. Pendant ce temps, en Corée, les opérations se poursuivaient et, fortement appuyées par leur aviation, composée d'appareils de construction soviétique, les Coréens du Nord, rencontrant sur les routes la foule des réfugiés, progressaient après avoir occupé Séoul, la capitale, en direction de Taejon, nouveau siège du gouvernement sudiste. Le pays du matin calme est devenu le siège d'un véritable conflit intéressant l'avenir de tout l'Extrême-Orient. La manière dont l'Union soviétique se comporte dans son bloc est pas du tout la même que celle dans laquelle les Américains se comportent dans ce qu'on peut appeler, pour moi, plutôt un camp qu'un bloc. Pierre Grosseur est historien et spécialiste de la guerre froide. C'est-à-dire que vous aviez une autonomie évidemment beaucoup plus importante et vous avez quand même beaucoup plus une demande de présence américaine alors que la présence soviétique est souvent imposée. Alors maintenant, la Chine. Alors là, à la limite, on n'est plus dans le bloc, c'est vraiment le bloc de l'Est européen. Dans un premier temps, la Chine a essentiellement un rôle régional, mais qui a un rôle extrêmement important, parce qu'elle intervient dans la guerre de Corée, donc à partir d'octobre-novembre 1950. Et ce qui est très très très important, c'est qu'on dit souvent guerre froide entre Américains et Soviétiques, ce qui n'a pas empêché, en gros, qu'il y ait eu 1500 morts à peu près soviétiques dans la guerre de Corée. Mais vous avez eu 2 millions de Chinois qui sont allés se battre en Corée, contre des Américains. Il y a eu une guerre chaude. Une guerre chaude. Et évidemment, chacun s'en souvient. Le fils préféré de Mao est mort en Corée. Il y a eu une vraie guerre directe, avec une grande fierté de la part des Chinois, c'est d'avoir tenu tête. Et aujourd'hui, c'est utilisé dans la propagande chinoise régulièrement. Et donc, en gros, il y avait une espèce de division du travail. La révolution en Asie, l'aide au Viet Minh en Indochine, c'est la Chine. L'Union soviétique regarde ça de loin, il faut toujours que les Chinois expliquent ce qu'ils font, mais leur affaire, c'est plutôt l'Europe. Ce qui est évidemment important, c'est la mort de Staline, puisque à partir de ce moment-là, vous avez plus la figure centrale et la grande centralité du Parti communiste de l'Union soviétique. Et donc, Mao veut au moins être égal à Khrouchtchev, voire être le grand centre du communisme international. Et donc, petit à petit, dans des conflits à la fois idéologiques, et petit à petit, parce que les Chinois considèrent que les Soviétiques abandonne plus ou moins la révolution avec la détente à l'égard des Américains, ou ce qu'on appelait la coexistence pacifique à l'époque, donc ils sont mous. Staline meurt en 1953. C'est un traumatisme pour ses farouches partisans, un soulagement pour ceux qui attendent un assouplissement du régime annoncé au cours du 20e congrès du Parti communiste soviétique en 1956. Les larmes du deuil sèchent bien vite. Nikita Khrouchtchev, le nouveau dirigeant soviétique, y dénonce les excès de l'ère stalinienne et annonce une nouvelle ère, justement, pour le communisme soviétique. Entre-temps, la Russie s'est réconciliée avec la Yougoslavie et s'est débarrassée de Lavrenti Beria, le terrible promoteur de la police politique, de l'espionnage soviétique et du goulag, dont les détenus sont en grande partie libérés. Du côté de la guerre froide, c'est une période de détente qui s'ouvre, au moins pour quelque temps. Khrouchtchev fait un voyage à Pékin. Il arrive le 31 juillet 1958. Céline Maranger. Une semaine avant la visite de Khrouchtchev, Mao s'est répandu en invectives contre Khrouchtchev, contre sa personne même, auprès de l'ambassadeur Youdine, en lui demandant en plus à la fin de l'entretien de ne rien polir, je cite, c'est-à-dire de rapporter en fait mot pour mot les critiques assez acerbes qu'il avait proférées à l'encontre de Khrouchtchev. Khrouchtchev reçoit un accueil des plus froids et alors qu'il s'attendait à négocier avec Mao, autour d'une table. Mao, de façon tout à fait impromptue, sans l'avoir prévenu auparavant, lui propose de mener des pourparlers dans une piscine. Mao est très bon nageur, il aime beaucoup la natation. Khrouchtchev sait à peine nager et il n'a d'autre choix que de s'exécuter. Et donc il se déshabille et il entre dans la piscine en slip de bain avec une bouée autour du ventre. Et c'est ainsi qu'il mène les premiers pourparlers de cette visite avec Mao. Évidemment, c'est assez humiliant pour lui, on peut l'imaginer. D'autant que Mao profite de cette occasion pour revenir à la charge à propos du découronnement de Staline. Et donc il reproche à Khrouchtchev à ce moment-là, d'avoir pris seul une décision qui, en fait, concerne, de son point de vue, tout le mouvement communiste mondial et qui porte en plus atteinte à l'autorité et au prestige du communisme dans le monde. Alors, cette visite, on peut dire qu'elle est ratée, une visite qui va laisser des traces, d'autant que lors d'une deuxième réunion, en fait, entre Khrouchtchev et Mao, Mao se montre extrêmement grossier à l'encontre de Khrouchtchev. Il l'insulte tout simplement. Et Khrouchtchev finalement abrège sa visite. Il rentre à Moscou. Trois semaines plus tard, les Chinois bombardent des îles du détroit de Taïwan, ce qui provoque évidemment un regain de tension avec les États-Unis. Or, les Chinois n'ont pas tenu informer les Soviétiques de ces manœuvres à venir. Et il faut dire qu'il y avait plusieurs accords qui liaient l'Union soviétique et la Chine. C'est-à-dire que toute attaque contre la Chine était considérée à l'époque par l'Union soviétique comme une attaque contre l'Union soviétique. Donc, ils étaient quand même concernés au premier chef. À la suite de ces manœuvres chinoises dans le détroit de Taïwan, les Soviétiques renoncent à aider la Chine à se doter de technologies nucléaires et ils annulent l'accord d'assistance militaire et stratégique qui avait été signé l'année précédente en 1957. Ça va prendre quelques mois, hein. Ils vont annuler cet accord en juin 59, juste avant le voyage de Khrouchtchev aux États-Unis. Ce voyage très important qui marque en fait l'aboutissement d'une certaine façon de la politique de coexistence pacifique qui a été promue après la mort de Staline. Et à l'occasion de ce voyage, Khrouchtchev propose un plan de paix de désarmement global devant le Conseil de sécurité. Moscou! Allô, New York! Hello, Mr. King! Nous sommes venus à vous, le cœur ouvert et animé de bonnes intentions, a dit M. Khrouchtchev en arrivant sur l'aérodrome de Washington, où le président Eisenhower était venu accueillir le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. La rencontre historique a commencé au milieu des meilleurs sentiments du monde. Sur le trajet, la foule était nombreuse. Plus de curiosité que d'enthousiasme, mais le dégel ne faisait que commencer. Les Chinois réagissent très mal. Céline Maranger. À nouveau, à la fin du mois de septembre 1959, il y a de nouveau pourparlers entre Mao et Khrouchtchev et pour la première fois, Mao dit ouvertement que la position du Parti communiste d'Union soviétique constitue un révisionnisme moderne. Et ça, pour des communistes, c'est une insulte assez violente. C'est faire référence à une insulte qui avait été autrefois proférée par Lénine et donc s'inscrire dans la continuité de Lénine et suggérer que la position tenu par Khrouchtchev au sein du Parti communiste soviétique, aurait été en son temps dénoncé par Lénine comme un révisionnisme et comme donc une position condamnable. En 1960, Khrouchtchev prend la parole devant le comité central du Parti communiste soviétique et à cette occasion, il qualifie la contribution de Mao à la pensée marxiste de galimatia. Et il estime aussi que Mao est devenu la copie conforme de Staline. Et il en veut pour preuve qu'en fait, chaque instruction de Mao a force de loi en Chine et que chaque parole de Mao est élevée au rang de vérité absolue. Ce même mois de juillet 1960, tous les conseillers soviétiques en Chine sont rappelés en Union soviétique. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, c'est-à-dire que la coopération n'a plus lieu d'être. Et donc, la rupture sino-soviétique est un processus assez long. Pierre Grosseur. Mais qui a des conséquences évidemment tout à fait essentielles. C'est que finalement, la guerre froide devient beaucoup plus complexe. Vous avez une vraie opposition entre Chinois et Américains. Pourquoi ? Parce que c'est les Chinois qui sont les plus radicaux finalement dans la contestation de l'impérialisme et qui d'ailleurs ont provoqué deux crises à Taïwan en 54 et en 58 qui auraient pu devenir nucléaires. Donc ça c'est, et puis ils ont l'arme nucléaire en 64 qui est quand même assez inquiétante. La guerre froide c'est aussi cela. D'accord ? Et elle se passe aussi en Afrique, elle se passe en Algérie, puisque les Chinois soutiennent le FLN, hein, donc nous, ça nous pose quand même quelques problèmes. Ils ont soutenu Mandela, il y a eu des gens de l'ANC qui ont été formés en Chine pour le combat, donc voilà, on a vraiment cette impression. Rivalité avec l'Union soviétique dans le monde entier et à l'intérieur de tous les partis communistes du monde entier. Et évidemment, les Chinois essayent d'aller voir les pays d'Europe de l'Est communistes, leur disant « mais la bonne ligne, c'est la nôtre ». Donc voilà, vous avez une vraie rivalité. Les Vietnamiens en jouent, ils essayent d'avoir de l'aide des deux. Les Coréens savent pas trop où se placer, mais essayent de garder leur autonomie. Donc vous avez une grande rivalité mondiale. Et cette rivalité mondiale va arriver, en fait, à des vraies guerres entre pays communistes, ce qui était inimaginable, puisque normalement, des pays qui sont communistes ne peuvent pas se faire la guerre. Parce qu'ils sont frères et parce que la guerre est toujours produite par les pays capitalistes, soit les rivalités inter-impérialistes, soit le colonialisme, soit l'hostilité au camp socialiste. Et donc, vous avez la guerre de 69 entre Chinois et Soviétiques. Vous avez l'invasion du Cambodge communiste par le Vietnam en 1978 et la Chine qui punit le Vietnam communiste en 1979. Petit à petit, vous avez le bloc de l'Est qui se délite, qui se crée en camp avec les pro-chinois et les pro-soviétiques. Et ça se termine avec des affrontements. Alors ça, c'est les affrontements entre États. Mais vous avez aussi des affrontements, j'allais dire, physiques, pas seulement idéologique, entre les pro-chinois et les pro-soviétiques. Et le discours chinois est de dire, voilà, l'Union soviétique, c'est le Nord, c'est des Blancs, c'est la même chose que les Américains, ils sont impérialistes pareil. Donc voilà, vous avez vraiment l'impression d'une critique d'un système dominé par les Américains et les Soviétiques. Et après, évidemment, ce qui rechange encore une fois tout cela, c'est 1972, donc le rapprochement entre les États-Unis et la Chine, puisque les États-Unis, d'une certaine façon, vont utiliser la Chine pour contenir l'Union soviétique. Et il va y avoir une quasi-alliance des États-Unis et de la Chine, aussi dans le tiers-monde d'ailleurs, au soutien des mêmes groupes en Angola ou ailleurs, face aux Soviétiques. Et en Afghanistan, les Américains, on connaît très bien l'aide américaine, les Chinois aussi ont aidé les Moudjahidines afghans, parce que, évidemment, la progression soviétique inquiétait les Chinois. Pendant ce temps-là, les États-Unis tentent de faire bonne figure dans les pays récemment décolonisés pour séduire ce nouveau monde, et notamment au Ghana, en 1957, le jour de la grande cérémonie d'indépendance. La bataille est finie et le Ghana, votre pays bien-aimé, est libre pour toujours. Nous devons changer notre attitude et nos esprits. Nous devons réaliser qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus une colonie, mais un peuple libre et indépendant. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, prions pour le nouveau Ghana, né il y a quelques minutes. This day will never be forgotten. The 6th of March 1957. On vient d'entendre la cérémonie d'indépendance du Ghana en 1957. C'est une fête assez formidable qui attire des dignitaires du monde entier. Pauline Perrette est historienne, spécialiste des représentations américaines et soviétiques au cours de la guerre froide. Et parmi eux, Nixon, qui est en train de faire une grande tournée africaine. C'est sa première tournée africaine. Il est vice-président des États-Unis à cette époque-là. Donc, il travaille avec Eisenhower. C'est une administration qui, jusque-là, s'est assez peu intéressée à l'Afrique. Et pourtant, en 1955, l'Afrique apparaît vraiment comme un nouveau territoire de rivalité avec l'Union soviétique. Hein. On est peu de temps après la crise de Suez. Les Soviétiques ont commencé à mettre leurs pieds sur le continent. Ils ont soutenu militairement par l'intermédiaire de la République tchèque l'Égypte, ils donnent des armes au Libéria, ils commencent à s'installer économiquement sur le continent, et les États-Unis sont en retard. Pourtant, il y a évidemment des minerais intéressants, des ressources économiques, et puis aussi une lutte pour l'influence idéologique. Et à ces nouvelles nations africaines, hein, Afrique noire, les États-Unis veulent se poser en modèle. Et les États-Unis se ressourcent dans leur histoire et montrent qu'ils ont un modèle à proposer d'indépendance à l'égard des anciennes puissances coloniales européennes, dans le cas des États-Unis, la Grande-Bretagne. Et c'est la même chose pour le Ghana, ancienne Gold Coast, donc colonie britannique. Et Nixon a cette particularité dans l'administration aussi et dans le parti républicain d'être quelqu'un qui est considéré comme assez libéral au sens américain sur les questions de race. Notamment parce qu'il a soutenu l'arrêt de la Cour suprême de 1954 qui rend inconstitutionnelle la ségrégation à l'école. Et donc, il comprend en allant en Afrique à la fois l'enjeu géopolitique, économique qu'est l'Afrique, mais également toute la symbolique de la relation qui existe entre les pays nouvellement émancipés en Afrique et la lutte pour la reconnaissance des droits aux États-Unis. Donc il y a ce lien très fort qu'il comprend à ce moment-là, et il comprend aussi tout le mal que peut provoquer ou générer le double standard racial auquel se livrent les États-Unis pour leur conquête des cœurs à l'étranger. Donc il faut absolument, pour des raisons de politique étrangère, hein, c'est du pragmatisme pur, hein, procéder à des réformes en matière de droit. Face à ces nations libérées du colonialisme européen, les Soviétiques et les États-Unis peinent parfois à trouver un chemin satisfaisant entre la théorie et la pratique. Dans ces enjeux de guerre froide, dans ce troisième monde, dans ces espaces hors des zones d'influence immédiate, un micro-État rafle toutes les médailles de la notoriété dans cette course d'attraction auprès des pays du tiers-monde. C'est Cuba. En 1962, l'île des Caraïbes devient le synonyme d'une des plus grandes frousses du siècle. October 1962. America's defense muscle heads for Florida after President Kennedy's announcement of the weapons blockade of Cuba. Monsieur Anderson est éditeur. Avez-vous eu peur de la guerre la semaine dernière? Nous en étions très près. Le risque était grand? Le risque était très grand. Est-ce que la semaine dernière, vous avez cru qu'on allait à la guerre? Il y avait une grande possibilité pour qu'on aille à la guerre, je crois. Je crois qu'on était presque à ce point-là. La crise de Cuba est l'une des crises qui a fait le plus couler d'encre en raison de sa dangerosité, hein, puisqu'on dit souvent que c'est à ce moment-là que le monde a été au bord du gouffre. Nicolas Badalassi est historien, spécialiste de la guerre froide. Il se trouve qu'en 1959, Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba. Fidel Castro n'est pas un communiste à la base. Tout ce qu'il cherche, c'est à instaurer une réforme agraire à Cuba, qui était jusque-là une île dominée par les intérêts américains. Réforme agraire qui est évidemment combattue par les États-Unis, hein, qui voient tout de suite une forme de communisme. Et les Américains, hein, mettent en place un embargo contre Cuba pour l'empêcher d'exporter aux États-Unis son sucre, le rhum, les cigares, etc. Et c'est finalement l'embargo américain qui va pousser Fidel Castro dans les bras de Khrouchtchev, puisque Khrouchtchev lui propose d'acheter son sucre, tout simplement. Ce que les Américains vous achètent plus, ben nous, on va l'acheter. Et c'est comme ça que se met en place la solidarité entre Cuba et l'URSS. Et c'est une aubaine pour les Soviétiques, parce que non seulement il va falloir protéger, assurer la protection de ce régime idéologiquement proche, hein, des frères socialistes, des frères communistes. Mais en plus, Cuba, c'est à 200 km des côtes de la Floride, donc on va pouvoir compenser l'encerclement du territoire soviétique par les forces américaines, par l'installation de bases de lancement de missiles tout près des côtes américaines. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que les Soviétiques sont persuadés, quand je dis Staline, Khrouchtchev, Brejnev par la suite, qu'ils sont encerclés, que le territoire soviétique est menacé de toutes parts par les Américains. En Europe, il y a l'OTAN, hein, qui fait pression sur le bloc de l'Est. De l'autre côté, en Asie-Pacifique, donc du côté de la Sibérie orientale, c'est le Japon qui est un véritable porte-avions américain, la Corée du Sud. Les Américains sont aussi déployés dans l'océan Indien, au pôle Nord. Donc, vu de Moscou, on se sent encerclé par les Occidentaux. Et ça, ils ne le supportent pas. Donc, Cuba, c'est un moyen de compenser cet encerclement. Mais puisque vous êtes trop proche de notre territoire, mais nous aussi, on va venir vous menacer chez vous. Et c'est donc la fameuse l'installation des bases de lancement de missiles à Cuba tout au long de l'année 1962, que les avions espions américains U-2 repèrent en septembre, et qui permettent donc au président Kennedy de déclencher la crise publiquement, hein, en pointant du doigt devant son opinion publique la volonté soviétique de faire pression sur les États-Unis. Monsieur Richard Condon est architecte, il habite le New Jersey. Est-ce que vous avez eu peur la semaine dernière? Beaucoup, oui. Je conduisais une voiture de New York à Stowe et j'écoutais le radio et je croyais vraiment qu'on était presque à la fin de notre vie. Vous avez eu peur de la guerre atomique? Oui. Et vous croyez que le président Kennedy a agi d'une façon dangereuse ou raisonnable ou... D'une façon très dangereuse, mais les événements prouvent que c'était assez raisonnable. Alors, cette crise, elle se termine par un deal entre Washington et Moscou, à savoir que les Soviétiques acceptent de retirer leur rampe de lancement de missiles à Cuba en échange du retrait par les Américains de leurs missiles situés, les fameux missiles Jupiter, situés en Turquie et en Italie. Alors, l'une des conséquences de la crise de Cuba, c'est aussi la frousse, hein, qui a été provoquée chez les uns et les autres. Donc ça va être le début de la maîtrise des armements, c'est-à-dire l'arms control. On a eu tellement eu peur que ça tourne à la catastrophe en raison, là aussi, de la mise en alerte des forces nucléaires pendant le mois d'octobre 62, que tant aux États-Unis qu'en URSS, on s'est dit qu'il était quand même temps de mettre sur pied un vrai système de dialogue et de contrôle de ces armes pour éviter un dérapage. Une autre conséquence de la crise de Cuba est l'adoption par les Américains de ce qu'on appelle la doctrine des représailles graduées, qui change complètement la façon dont on veut employer la bombe atomique. À savoir que depuis le début des années 50, les États-Unis considéraient que si le territoire américain ou celui de l'un de leurs alliés était menacé par l'URSS, la réponse américaine serait, quoi qu'il en soit, nucléaire. C'est ce qu'on appelait les représailles massives. À partir de 1962, lorsque les États-Unis, donc on est sous l'administration Kennedy, réalisent la puissance soviétique en termes nucléaires et réalisent aussi à quel point on est capable de passer près de la catastrophe avec la crise de Berlin puis la crise de Cuba, les Américains, sous la houlette de Robert McNamara, estiment que c'est beaucoup trop dangereux et qu'il faut donc changer de doctrine d'usage de la bombe atomique. Donc on passe à ces représailles graduées, c'est-à-dire que l'usage de la bombe nucléaire est proportionnel à la menace, et notamment à la menace soviétique. En gros, on garde l'arme atomique comme arme de dernier recours. How much time do we have? Minutes, days, months, years? We don't know. But this we do know. Civil defense is everybody's business. It's a big job getting civil defense organized to operate efficiently. But then atomic attack is disaster on a big scale. We can and must get the job done if we are to survive. Après, ce qui fait le paradoxe de la bombe atomique, c'est que dans les années 50, on présente cette bombe comme destructrice et protectrice également. Protectrice vis-à-vis de l'adversaire. Et dans le même temps, on essaye de prouver à la population que c'est l'énergie de l'avenir. Et donc là, on entre dans un double discours, en fait, qui est compris par une majorité de la population, peut-être, dans les années 50, mais qui, à partir du moment où on va frôler la catastrophe, dans les années 61-62, la deuxième crise de Berlin, la crise des missiles de Cuba, eh bien, de plus en plus de gens, et pas seulement des scientifiques, vont considérer que c'est une folie d'aller aussi loin dans le développement des armes de destruction massive et dans le développement des armes nucléaires. Donc les années 60 sont un premier basculement vers la prise de conscience générale qu'on va trop loin. You hit me, baby, like a atomic bomb. I surrender, honey, 'cause you have won. Your lips touch mine and my heart went numb. I need your kind of love, won't you give me some? Want to hug and kiss you and give you a squeeze. You make me radar active all in my knees. You must be the angel. C'était La Guerre froide dans nos têtes, épisode 4, avec Pauline Peretz, Nicolas Badalassi, Céline Maranger et Pierre Grosseur. But you sure hit me like an atomic bomb.